Section 112 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e. Section 112, La question des étrennes, par Eugène Chavette. En ce moment, tout est bruit autour de nous. On se sent étourdi. Mais il est une heure, heure sombre, où l'homme, sorti du vacarme, se trouve seul en présence de cet épouvantable cauchemar qu'on appelle la question des étrennes. Alors, il reconnaît toute la vérité de cette phrase de Madame de Girardin à propos du premier de l'an. En France, nous avons un secret qui n'appartient qu'à nous, un moyen infaillible de changer en supplice tout ce qui doit nous être un plaisir. Notre misérable vanité est parvenue à nous faire de toutes choses une agréable torture. D'un don généreux, nous faisons un impôt qui accable. Nous sommes arrivés à l'instant de la crise aiguë, mais, avouons-le, les premières atteintes du mal avaient été douces. On s'y prêtait même de bonne grâce. Dès le commencement du mois, on avait déjà préparé une liste, dictée par une reconnaissance qui tenait compte des moindres services reçus pendant l'année. Tous y payaient largement. Une simple tasse de thé devait être soldée par un cadeau de 10 louis. Rien ne pouvait être assez beau, et d'avance, on faisait son choix dans ces 1000 véritables occasions pour étrennes que la réclame nous offre avec une richesse de littérature à laquelle je me permettrai de faire un emprunt. Infatigable dans sa course, le temps poursuit sa marche éternelle. L'inflexible vieillard, sourd aux prières comme aux imprécations, s'avance d'un pas égal. Une année de plus va peser sur vos têtes. Ah, puisque la loi éternelle le veut, puisque le temps est inexorable, empressez-vous d'employer les instants qu'il vous laisse et tâchez d'oublier, dans les voluptés douces de la générosité, qu'un jour vous devez tomber sous cette faux dont la trempe ferait croire qu'elle sort des ateliers de la maison X, rue numéro si célèbre par sa coutellerie fine pour étrennes. Quand on a lu cela, n'eût-on qu'une tente, on ne peut résister au désir de lui offrir des rasoirs. Tous les cadeaux choisis, notés et cotés, sur le papier bien entendu, on songe alors à faire l'addition. Comment ? 14 000 francs ? Je me serais trompé. Recomptons. C'est juste. Voyons, ne confondons pas la générosité avec la prodigalité. Élagon. Ah, 10 louis à Madame Aubray pour une simple tasse de thé, c'est de la folie. Mettons 5. Non, le thé était froid. 1 louis, un simple louis, c'est assez. Chez Bignon, on paie la théière pleine 30 sous et encore, on a du beurre. Élagon, élagon. Tiens, un tableau de 20 louis à Rouillard. Où donc avais-je la tête? Il m'invite à dîner, c'est la vérité, mais c'est parce que je découpe à table. Il ne fume pas, un porte-cigare lui suffira, cela lui fournira l'occasion d'avoir des cigares sur lui quand je le rencontrerai. Élagons encore. De quoi, de quoi? Une fourrure de 30 louis à Madame Barillet? C'était bon du vivant de son mari, mon vieux camarade de collège, mort en juillet dernier. Au premier jour, elle se remariera et elle entamera d'autres relations. Remplaçons par un bibelot de 60 francs. Élagon, élagon. Il recommence son addition. 1 600 francs, c'est plus raisonnable. Avec le premier chiffre, j'aurais fait rire de moi. Tenons-nous-en à 1 600 francs, c'est une folie utile. Cependant, le mois de décembre s'écoule jour par jour. Mais, à mesure que la fatale date s'approche, le martyr des étrennes compose avec lui-même. Le feu de la générosité s'est éteint et notre homme marchande avec sa reconnaissance. Il pèse les bienfaits reçus pour en alléger le remboursement. Il se souvient que, sur les 9 dîners d'âge, il a trouvé 8 fois le pot-au-feu. Chez B, il songe qu'on affecte de le mettre au bout de la table. On ne l'invite que pour se débarrasser d'un gibier trop avancé. son ami Day, en le recevant à la campagne, l'a logé sous les toits, près des chambres de domestiques, tandis que les autres avaient des chambres d'honneur. Il épluche si bien ses relations que parmi tous les gens de son intimité, il finit par ne trouver que lui-même de bon, loyal, généreux et dévoué. À mesure qu'il fait ses navrantes découvertes, il élague, il élague, il élague toujours. « Enfin, me voilà à 500 francs !» s'écrie-t-il au commencement de la dernière semaine. Il n'a conservé sur sa liste que les indispensables, les parents et les domestiques. Le 28 décembre, il supprime les indispensables pour leur prouver qu'il est une nature droite et primitive qui sait se soustraire aux puériles exigences d'une civilisation étroite et avide. Le 29 décembre, il raie les parents. Ceux-là connaissent trop sa position pour ignorer qu'il n'a pas le moyen de donner des étrennes. Il ne veut pas les amuser de sa ridicule ostentation. Entre parents, un simple mot qui part du cœur ne vaut-il pas le plus riche bibelot ? Restent les domestiques. Ceux-là peuvent dormir tranquilles. On consent à passer pour ladre, impoli et ingrat devant ses égaux, mais on tient avant tout à l'estime des domestiques. 150 francs ? Allons donc, ce n'est pas assez, j'aurai l'air de les traiter en camarades. Redressons-nous. Il ajoute 10 francs à une cuisinière, 100 sous à un portier, 3 francs à une bonne, etc., etc. Là, 200 francs. Arrêtons-nous à ce chiffre qui me paraît rond. Enfin, le 30 décembre, il s'adresse à cette dernière et terrible question. À qui vais-je emprunter ces 200 francs ? Car celui qui destinait 14 000 francs aux étrennes n'a jamais le sou. C'est même pour cette raison qu'il avait poussé jusqu'à 14 000 francs. La nuit du 30 au 31 décembre est terrible à passer. Pas de sommeil. Le cerveau travaille pour trouver le moyen de réunir la somme qui fait défaut. Il invente les plus singuliers expédients pour se la procurer. Il songe successivement à tous les procédés connus. Mais il faut toujours revenir au plus vulgaire, à celui qu'une noble fierté lui faisait écarter, en un mot, à l'emprunt. Emprunter à qui ? Alors, il reprend sa liste chargée de ratures, et parmi tous ses noms biffés, il cherche celui de l'ami dont il fera son prêteur. La revue est accompagnée de commentaires. Si je m'adressais à Rouillard, après tout, je ne demande pas l'aumône. Il ne fera simplement que prêter, tandis que moi, je l'avais inscrit là pour le don d'un tableau de 20 louis. Le beau rôle est de mon côté. Ah oui, Rouillard, prêter, il a toujours l'air d'attendre une lettre chargée. Si j'allais chez Madame Aubray, son thé est exécrable, mais son cœur est excellent. Non, je ne puis emprunter à une dame. J'irai bien chez Maurras. Mais je me souviens qu'il m'a dit un jour, « Quand on veut m'emprunter, non seulement je ne prête pas la somme, mais encore, je me fais faire un billet pour les intérêts. » Boucher est fort riche, mais quand on veut lui emprunter, il se met à fondre en larmes en disant, « Vous ne m'aimez donc plus, pourquoi chercher une cause de brouille entre nous ? Un prêt entre amis, c'est l'éternelle séparation. » « À qui diable vais-je emprunter ?» « Ah, Constant, je l'avais oublié. Il est vrai qu'il n'est pas sur ma liste. Ce cher Constant, ne m'a-t-il pas répété 100 fois, entre nous, la bourse est commune. Sauvé, je suis sauvé, courons chez Constant. » Il s'élance, mais en ouvrant la porte, il se trouve nez à nez avec Constant qui allait sonner. « Tiens, c'est toi ? Tu sais, vieux, s'écrie Constant, que je t'ai dit souvent, entre nous, la bourse est commune. » J'y songeais il y a 10 secondes. Eh bien, voici le moment de me le prouver. Peux-tu me prêter 20 francs pour donner des étrennes à mon portier ? Fin de la section 112.